心脏忙哪里全体把上抓咋非当大你给我打当去说的啦 Let's les dons parler L'histoire ils la connaissent pas Je ferai toi ma reine Et tu feras de moi un roi N'attends plus la chance, viens, on y va. Tu te tues pour des miettes et le salaire.